grand Nicolas. Il y avait la blonde Lisa, Grégory et son frère Doucha, Dimitri que j'aimais déjà. Grand-mère nous préparait du thé, des biscuits. Du Pérou, Nicolas.